clair, obscur. Les musiques sombres sur Rage. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Et on commençait avec Robert de The Cure, Robert Smith avec le morceau Friday I'm in Love, le vendredi je tombe en amour comme ils disent de l'autre côté, enfin dans la belle province. Et Robert, cette année c'était hier la Saint-Valentin, c'est pas vendredi. Mais bon, vous êtes bien le mercredi soir sur Rage mes petits corbeaux. Après Marilyn, on continue la soirée rock dans Clair Obscur en compagnie non pas d'Eros, ni de Thanatos, ni du rouge, ni du noir, mais de vos petits corbeaux préférés, à savoir Nathalie et Stéphane. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, bienvenue petits auditeurs, bienvenue dans cette spéciale anti-Saint-Valentin. Alors anti, oui et non, on avait voulu ce soir égratigner cette cochonnerie de fête commerciale. Moi comme je dis toujours, si vous êtes en couple, faites l'amour, pas les magasins, et si vous n'êtes pas en couple, ne faites pas les magasins. Enfin, Nathalie avait envie de faire une anti-Saint-Valentin comme chaque année. Moi, j'avais envie de faire une émission pro-Saint-Valentin comme chaque année. C'est une controverse qui nous fait nous affronter chaque année, mais c'est pour votre plus grand bonheur et de chouettes playlists, chers amis. Et puisque on a commencé donc avec ce morceau classique de la scène post-punk avec The Cure, un morceau du début des années 80 qui fait toujours plaisir, qu'on a déjà entendu 100 fois, mais une fois de plus, ce n'est jamais, c'est toujours de bon cœur. Et si vous vous êtes considéré un peu comme des maudits hier à cause de cette fête à la con, eh bien, comme je vous comprends, chers amis, et j'ai ramené le groupe qui va bien pour ça, à savoir Dave Vanian avec le groupe The Damned. Just for you, it's a love song. Juste pour vous, mes petits corbeaux, ce soir, c'est une playlist spéciale Saint-Valentin, que vous soyez pro, que vous soyez anti, ou tout simplement que vous n'en ayez rien à foutre. On a décidé de vous faire une playlist ce soir à l'occasion de la fête qui avait lieu hier, qui vous a peut-être pris le chou. Allez donc savoir. Et donc, on a commencé avec The Cure et le morceau Friday I'm in Love. On continue avec The Damned et le titre Love Song. Là aussi, c'est un morceau qui date de 79 et ça fait toujours plaisir. Mais pourquoi es-tu si méchante avec ce méchant, ce gentil Cupidon, Nathalie ? J'aime pas cette fête. J'ai toujours détesté cette fête. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai peut-être fait quelque chose de mal dans une vie antérieure, parce que c'est une date, comme ceux qui nous suivent un peu, savent que le 14, il m'arrive toujours une merde. Donc, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal sur une vie antérieure ou pas, ou si j'étais un monstre, je sais, on va savoir. En attendant, je déteste cette fête, que je trouve au passage très très commerciale, parce que, en plus pour moi, quand tu aimes quelqu'un, il n'y a pas besoin d'aller acheter une boîte de chocolat à la noix, pour être poli, ou un resto pile poil ce jour-là pour aller bouffer un truc très cher pour pas grand-chose, juste pour montrer à la personne ou au reste du monde que t'es avec quelqu'un. Ouais. Et pourtant, je suis en couple, tu vois. On dit toujours ça, ouais. Mais bon, oui, en même temps, toi, tu es casé, comme on dit vulgairement. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que les nanas, surtout les nanas, d'ailleurs, sont vénères pour la Saint-Valentin, disent une année quand elles sont célibataires que c'est une fête commerciale, etc., ça ressemble à rien. Puis l'année d'après, quand elles sont casées, entre guillemets, eh bien, elles s'offusquent que monsieur ne leur offre pas un diamant, une rose ou un resto à la con, comme tu viens si bien de le préciser. Donc, à mon avis. J'ai toujours pas changé de sexe, hein. Pourtant, je suis une nana. je m'en fous royalement. Mais moi, ce qui m'agace un petit peu dans votre position à tous, là, c'est que vous voyez que 50 ans de société de consommation, alors que les Lupercales à l'époque romaine, donc c'était les rites de fertilité, l'Imbolc chez les Celtes, donc à peu près à la même période, tout ça, avec le temps, ça s'est transformé en Saint-Valentin sous l'Empire romain chrétien, puis chez nous aujourd'hui, quoi. Mais c'est des jolies traditions de toute manière, il faut pas voir que le côté société de consommation, sinon c'est que vous êtes complice finalement, vous vous laissez manipuler. Vous voir toujours chaque année, 14 février, être tous aussi vénères, aussi mesquins, aussi méchants avec cette fête-là, ben, je regrette, mais quelque part c'est un peu vous qui vous faites entuber. Tu finiras comme Saint-Valentin, bouffé au lion. Ben écoute, je veux bien chaque année, cette controverse nous rassemble, et vous aussi derrière le poste, mes petits corbeaux, à l'occasion de la playlist qu'on vous concocte chaque année pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, faites-vous plaisir, hein, laissez-nous un message sur le Facebook si vous aimez cette fête, si vous l'aimez pas, si vous la fêtez par obligation pour pas avoir une tronche de votre moitié de 10 km pendant 6 mois, ou faire ceinture, hein, parce que à mon avis ça doit jouer pas mal, ou si vous la fêtez avec plaisir, ou si vous avez envie de fêter votre conjoint tous les jours, c'est bien aussi. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook en direct pendant l'émission, puisque nous sommes en direct, et vous nous écoutez donc à la radio, et vous nous écoutez peut-être en même temps sur l'ordi. Sur l'ordi, on va rebondir, je parlais peut-être d'être un monstre tout à l'heure, de ne pas fêter la Saint-Valentin. Je vous ai ramené ce soir l'ordi, quand même, le groupe monstrueux par les déguisements et le délire qu'ils ont. Et au passage, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un pouvoir magique, hein, parce que je ne sais pas, je vais peut-être l'exploiter, ça peut être très intéressant. Vous pouvez me faire passer vos listes. Je m'explique, la broutille de la chose, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai parlé de Steve Jobs, le lendemain, j'apprends son décès, et là, je décide ce soir de vous faire passer l'ordi avec le morceau « Will You Love a Monster Man ?» et j'apprends malheureusement que le batteur de l'ordi est décédé. Donc, vous pouvez me faire passer la liste de vos ex contre rémunération tapante et trébuchante. Je peux peut-être les diffuser à l'antenne. Et l'ordi, donc, c'était le batteur de ce fameux groupe qui avait gagné l'Eurovision avec ce titre absolument phénoménal il y a quelques années. C'était en 2006, je crois, ou 2007, avec le titre Hard Rock Alléluia, c'est ça? Tout à fait. Et là, ce soir, Alléluia à son âme. Oui, Alléluia, paix à son âme. Et en attendant, on espère que vous êtes comme moi. Est-ce que vous aimez les monstres? Tout de suite, c'est l'ordi et Would You Love a Monster Man? Would you love a monster man? Could you understand beauty of the beast? Yeah, I would kill. Yeah, I would freeze the hell over just to get a chill. Yeah, I would slay. Yeah, I would maim. Yeah, I would vanish in the air and reappear again. Rewriting the squares, yeah, I would be sincere. Yeah, I would lie. Yeah, I would lie. Yeah, I would be the waking of the dead to give a dream. Why say it? For something never found along these lines. Someday you may turn around and terrify. You got me high, you crucify. Won't you get down in the gutter swallowing your pride? Why say yeah? Why say yeah? Won't you love a monster man? Don't you understand? fait don de son rein, elle lui a fait don de son cœur. Transport amoureux et transplantation, c'est tout de suite dans Triste Monde Tragique. Vous avez pu découvrir l'ordi avec Will You Love Monster Man et une petite session hommage au batteur qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps, et suivi des immenses, des immortels Megadeth avec That's Right, Love to Death. Décidément, on reste dans la thématique amour et mort, hein, Eros et Thanatos. Saint-Valentin par-ci, hein, petit lâchage de flèche dans le derrière à Cupidon. On se rend compte au passage que les métalleux et les poilus sont des gens qui sont capables de faire de très très belles balades d'amour, mais aussi des choses particulièrement couillues. Et entre les deux, c'était un extrait de cette fameuse série Daria avec les petits inserts sur l'émission télé Triste Monde Tragique où on voyait parfois des choses assez hallucinantes, y compris quand il s'agit d'amour. Et, et puisque tu nous emmènes vers quelque chose d'un petit peu plus péchu avec le métal que tu viens de ramener, donc, et les fameux métallus, hein, c'est ça? Les métallus, voilà, je viens d'inventer un concept. Et on va y rester, mais avec quelque chose d'un petit peu plus électro, en écoutant de l'EBM. Alors l'EBM, c'est ce style électro un peu martial, plein de testostérone. C'est nos amis de l'antichambre, émission gothique de Montpellier, qui appellent l'EBM, qui disent que c'est de la musique à écouter pour faire des pompes. Moi je rajouterais que c'est de la musique qu'on peut écouter en faisant autre chose, notamment avec le côté extrêmement libidineux et à prendre au énième degré de Mineshaft, que j'ai découvert il y a quelques temps et que j'avais vraiment envie de vous ramener pour cette émission spéciale Saint-Valentin, puisqu'après tout, hein, le cœur, il n'y a pas que, comme dit ce grand philosophe antillais, là je ne sais plus comment il s'appelle, il n'y a pas que l'amour dans la vie, dans la vie, il y a le sexe aussi, et donc voilà. Que le cœur. Je sais pas, il n'y a pas que le cœur, il n'y a pas que le cul, mais quand même, ça prend quand même 90% du temps, si on est un être raisonnable, bien entendu. Et donc, Mineshaft, j'ai découvert ça vraiment par hasard et ça m'a bien fait rire. C'est un projet musical basé à Berlin, un projet EBM, électro, donc assez crasseux dans l'esprit, qui s'amuse à reprendre des tubes des années 80 français. Donc vous avez Axel Bauer, vous avez Gage Patti avec le morceau Étienne, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez été petit dans les années 80, ça vous rappellera peut-être quelques souvenirs, et ils ont repris notamment un morceau de Martin Dupont que je connaissais pas du tout. Le morceau s'appelle L'amour à l'hôtel. Oui. Moi, voilà, j'ai pas envie de vous faire une description, je préfère vous laisser vous faire une idée par vous-même. Fringues. À la bouche, l'écume vous vient aux lèvres, le sang vous bat les tempes, c'est normal, vous avez atteint le point G de la radio, vous êtes sur Rage. Pour atteindre des sommets de plaisir radiophonique, il vous suffit d'effleurer tendrement le petit bouton de votre poste afin de rejoindre la bonne fréquence. Si vous êtes dans le Vaucluse, près de sa fontaine ombragée et ses collines moussues, vous nous écoutez sur le 90.3 FM. Du côté du Gaillard et de l'Héros, pardon, du côté du Gard et de l'Hérault, vous pouvez nous rejoindre sur le 102.5 FM. Enfin, pour atteindre le 7e ciel cybernétique, veuillez vous brancher sur le www.rage.fr, le site de la radio sur lequel vous pouvez nous laisser tous vos petits messages cochons. Vous êtes bien, et pour encore une demi-heure dans Clair Obscur. Et ce soir, alors que la Saint-Valentin approche, il est question d'amour. Non, non, vous êtes pas sur Radio Film de Boule, vous êtes bien sur Rage, toujours avec Nathalie et Stéphane pour cette émission spéciale Saint-Valentin, avec une playlist à l'avenant, et à l'instant c'était enchaîné, donc le quart d'heure libidineux de l'émission, hein, puisqu'après tout, l'amour, c'est pas seulement des beaux sentiments, des petits cœurs roses comme ceux qu'on a essayé de vous vendre pendant des semaines avant cette période charnière de la Saint-Valentin, c'est aussi le cul, et ça c'est gratuit. Et on va saluer ta maman qui nous écoute, hein, tant qu'on est dans le quart d'heure, magnifique. Bonsoir maman. Non, mais en même temps, elle a l'habitude de mon humour pourri et donc de ce rappel de fréquence un peu magnifique, un peu film porno des années 70 dans le style érotico 6ème chaîne, érotico burlesque, on va dire, voilà. Et avant, donc c'était le quart d'heure libidineux de l'émission à l'occasion de la Saint-Valentin, disais-je, la fête des amoureux, hein. Amoureux, vous prenez ça dans le sens que vous voulez, vous les prenez dans le sens que vous voulez aussi, chers amis, ça ne nous regarde pas. C'était Mineshaft, un projet EBM basé à Berlin qui m'a bien fait rire avec cette reprise d'un tube français des années 80, l'amour à l'hôtel, donc de la testostérone, en veux-tu, en voilà, sur votre poste de radio et sur les ondes ce soir. C'était enchaîné avec un petit délire de Brian Molko et de ses amis de Placebo, un petit morceau qu'ils avaient fait comme ça, Bossa Nova, avec des paroles qui conviendront très bien aux lesbiennes, aux gays et aux bi, et voire aux hétéros qui nous écoutent. Et à juste après, c'est un morceau que nous ramenait Nathalie, toujours dans le côté électro, mais avec ce nom qui a ce complément qui a un nom magnifique, c'est juste une onomatopée, quoi. Oumph. C'est un petit peu ce qui se passe après l'amour, on va dire, avec le morceau de Power of Love. Et pour les messages coquins, n'hésitez pas, vous les dédiez à Stéphane. Oui, bien sûr. T'as pas des admirateurs, toi, peut-être, bien que tu sois que t'es un amoureux. Ne me mets pas dans merde, toi. Oui, bah t'écoute, hein, tu m'as t'as cité ma maman sur les ondes. Hein, moi, je vais pas m'emmerder. Et donc, tiens, on parlait des onomatopées qui peuvent se produire sous la couette. Eh bien, des fois aussi sous la couette, il arrive que l'on queen. Et Nathalie va vous illustrer ça. Que je queen? Non, vas-y, que queen. Je queen avec le groupe Queen, avec une chanson que je trouve magnifique, avec ce groupe qu'il a pour une fois. C'est moi qui suis anti-Saint-Valentin, qui trouve que tout ça c'est des cochonneries commerciales et autres. Tant pis, n'en déplaise à Stéphane. Et pourtant, il y a des morceaux comme ça où, quand même, le jour de sa demande en mariage, on aimerait bien les entendre. Hein. Chérie, si tu m'entends. Avec le groupe Queen, non, je sais pas que je veuille spécialement me marier. Par contre, j'adore ce groupe et j'ai vraiment pleuré le jour où Freddie Mercury est mort. Je vous laisse avec le petit quart d'heure sentimental au gnangnan romantico magnifique et ce morceau, Love of My Life. It means to me. Je suis pas sûre que ça adoucisse les mœurs de tout le monde, mais en tout cas, on le sait, la musique rapproche les corps, les rend suintants, luisants, voire carrément moites. Le langage sexuel musical possède ses propres codes, régis par des rythmes endiablés à grands coups de riffs qui s'enchaînent. Une cadence infernale. Faites tomber vos vêtements, ouvrez les fenêtres ou courez sous la douche. Tout de suite, le petit traité sensuel à l'usage des mélomanes. Attention, je préfère vous prévenir qu'en écartant grand les tympans, vous allez faire l'expérience du frisson. Et moi, j'ai juste envie de crier encore. I love you, I love you, I love you. J'ai besoin d'un peu de temps pour tout réaliser, pour pouvoir t'embrasser les yeux sans avoir à rougir. J'ai besoin d'un peu de temps pour tout réaliser, pour pouvoir regarder le ciel sans avoir à rougir. T'embrasser les yeux sans avoir à rêver. J'ai besoin d'un peu de temps pour tout réaliser, pouvoir regarder le ciel sans avoir à rêver. I love you, I love you, I love you. encore, mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ces moments. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Que j'ai gagné la Palme d'Or. Qu'est-ce que c'est? Et je l'ai dit, on sait jamais. À la télévision, qu'est-ce qu'on entend? Il a gagné la Palme d'Or. Merci de la Palme d'Or. Merci beaucoup de ce prix que c'est vraiment trop. Vous avez vraiment pris mon cœur avec tout l'amour. Et je voudrais dédier ce prix à la protagoniste féminine de mon film, Nicoletta Braschi, que je l'aime. Que je l'aime beaucoup. Que si mes parents, à me faire naître, ils m'ont fait descendre du ciel à la terre, elle, avec son amour, elle m'a reporté, remonté de la terre au ciel. Merci. Merci, je vous aime. Mes parents, avec leur amour, ils m'ont fait descendre du ciel, la terre, et elle, mon amour, mon aimée, avec son amour, elle, de la terre, elle me fait remonter jusqu'au ciel. C'est une des plus belles déclarations d'amour que j'ai jamais entendues. C'était fait dans un français avec un fort accent italien, puisqu'il s'agissait de cette Roberto Benigni, voilà le réalisateur du film La vie est belle, à Cannes en 1998, alors qu'on lui remettait la Palme d'Or. Il a eu ces mots à la fois très drôles et très tendres et très mignons que j'avais envie de vous passer. De toute manière, puisque je le répète, c'est une des plus belles déclarations qu'il m'ait été donné d'entendre, et c'était même pas dans un film, mais c'était toujours dans le cadre du cinéma. Je vous souhaite, en tout cas, chers amis, que ça vous arrive dans la vraie vie du monde réel. Et juste avant tout ça, c'était deux morceaux que nous ramenait Nathalie. Alors, c'est le grand dilemme de beaucoup de nanas, et je pense l'enchaînement de ces deux morceaux. Parce qu'on rêve d'avoir une déclaration version Freddie Mercury avec Love of My Life et tout le côté grandiloquent. Et malheureusement, en général, on a plutôt la version des One Pass avec I Love You braillé à la guitare, avec un joli texte, mais braillé à la guitare. Tu me diras, les sentiments d'un punk ne sont pas forcément moins sincères que ceux d'un glameux emperlousé comme l'était Freddie Mercury, malgré tout le respect qu'on lui doit. Et moi, récemment, je vous parlais de cinéma à l'instant, avec cette déclaration de Roberto Benigni à Cannes en 98 qui continue à me faire rire plus de presque 15 ans après. Et justement, moi, je repensais à un film qui m'avait marqué aussi il y a quelques années, un film de Fassbinder qui s'appelle L'amour est plus froid que la mort, dans lequel son postulat à ce réalisateur un petit peu bizarroïde et assez particulier, c'était que finalement les sentiments, il faut mieux s'en méfier parce que ce sont des choses que les gens peuvent manipuler pour vous atteindre. Et donc c'était ça le postulat, finalement l'idée qui animait son scénario dans L'amour est plus froid que la mort. Le premier film. 30 ans de thérapie, non ? Oui, enfin vaut mieux s'en le garder. C'était le premier film d'ailleurs où il faisait jouer celle qui a été la femme de sa vie, Anna Chigoula, s'il y a des cinéphiles parmi vous, chers amis. Et pourquoi je repensais à ce film en particulier récemment, c'est parce que j'ai découvert un morceau d'Horror Pops qui m'a bien plu, Emotional Abuse. Alors Horror Pops qui est un groupe qui est une histoire d'amour à lui tout seul, puisqu'il s'agit de Kim Necroman et son épouse qui lui est déjà guitariste solo et chanteur dans le groupe Necromantix, et il accompagne son épouse qui, elle, est contrebassiste et chanteuse dans le groupe Horror Pops. Je propose de vous en faire une idée tout de suite avec une de ces ballades psychobilly dont ces groupes américains ont le secret, Emotional Abuse, tout de suite dans Clair Obscur. This thing is no good. It has no use. I don't want. Monseigneur Sol. Gomez. Querida. Cette nuit, tu avais l'air d'un détraqué. Tu ressemblais à un démon hurlant à la mort. Tu m'as fait si peur. Recommence. Que j'aime ce mélange d'énergie et de mélancolie dans les chansons de The Organ, ce groupe de petites canadiennes qui ont splitté il y a quelques années, mais qui ont fait de très belles choses pendant quelques années auparavant. À l'instant, c'était le morceau Love, Love, Love. Un petit morceau après tout pour aller tout doucement vers la fin de l'émission. Quand il s'agit d'amour, on aimerait tenir toute la nuit, chers amis, mais malheureusement, on n'a qu'une heure dans la grille horaire de Rage et on arrive sur la fin, malheureusement. Et c'était enchaîné juste avant avec une petite balade Psychobilly dont ces groupes ont le secret avec Horror Pop, c'est le morceau Emotional Abuse. Restez là, on a envie d'abuser encore un petit peu de vous. En aparté, juste avant de se quitter, chers amis, j'avais envie de préciser tout de même que The Organ, c'était un groupe à côté duquel j'étais passé à l'époque, mais que j'ai redécouvert grâce à la bande originale de la série The L World. Vous savez, cette série américaine qui parle du monde des lesbiennes en Californie. Et puisqu'on parlait d'amour ce soir, hein, et qu'il est question d'échéance électorale et de mariage homosexuel, qu'on hésite à le voter, etc., après tout, les grosso mot, ne me sont pas spécialement sympathiques, mais comme ils payent les mêmes taxes que moi, j'estime qu'ils ont les mêmes libertés que moi. En principe, ça me semble. Ils ont le droit à divorcer. Ça me semble la moindre des choses, voilà. S'ils ont envie de faire la connerie de se marier, eh bien, ils ont le droit, nom de Dieu. Voilà, c'était le mot de la fin pour cette émission consacrée à l'anti-Saint-Valentin qui était si cher à Nathalie. Et on va se quitter avec un morceau un petit peu dans l'esprit des Canadiennes de The Organ, pardon. Alors, moi, par contre, j'ai un auditeur qui nous demande de faire figurer quelque chose d'anthologie au bêtisier. C'est quand on dit au revoir, on dit ensemble et de manière relativement subjective. Alors, je ne sais pas si tu vas suivre, mais... Allez, on se lance. Et juste avant, je présente quand même Patti Smith, une grande dame de la scène indépendante des années 70, qui, elle aussi, a sans doute inspiré The Organ, les nanas de The Organ, dans leurs chansons et leurs comptines. Et nous, on va se quitter avec un morceau qui conviendra sans doute bien. Because the night belongs to lovers. La nuit appartient aux amoureux. On espère qu'elle vous appartienne, mes petits corbeaux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on vous dit... Oh, wow. Belle nuit. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Qu'on parle. Je n'en ai pas envie du tout. Cassandra, je t'aime. T'as le droit de pas me croire, mais c'est vrai. Dis-moi qu'il faut tourner le dos à mes passions et rêves. Dis-moi qu'un vrai mec, ça pleure jamais. Je suis supposé dire tout est ok, tout va bien. Tout va bien. Ben ça va pas. et ma vie n'est plus qu'un tas de merde. Tu veux savoir ce qui est pire que tout le reste? J'ai jamais appris à lire. C'est vrai tout ça? Oui, sauf que j'ai appris à lire, bien sûr. Il y a des moments où il faut oublier le passé. C'est triste, mais la vie est ainsi faite. Wayne, attends! Cassandra, je sais que je suis moins joli garçon. Je sais que j'ai pas son fric. Je sais que j'ai pas ses contacts ni son goût en matière de vin. Je sais qu'il m'arrive parfois de cliqueter des mâchoires quand je mange et... Ferme ta gueule et monte en voiture! Excellent.